J'ai honte pour le Cameroun. J'ai honte pour le Cameroun. Ce pays fait honte. Ce pays fait honte. J'ai honte pour le Cameroun. Cet État fait honte. Les dirigeants camerounais font honte à ce pays, à son histoire et à ce qu'il représente. Je voudrais me tenir aux côtés de la famille de Martinez Zogo, auprès de son épouse, qui vit des pires moments qu'on peut vivre dans sa vie. Ses enfants, s'ils en ont, je crois, des enfants. Et je pense à les enfants. Je pense à sa famille, à ses enfants. Vous savez, je me suis senti à la place de ce frère, de ce compatriote. Ceux qui ont assassiné Zogo. Afrique Média, le monde. C'est nous.